Des fois, c'est bien de sortir un peu de chez nous, même si on va pas trop loin. Bienvenue à Québec Centrique, un projet pilote du Cégep Limoilou. Je suis votre animatrice, Mo Simard. Notre but à Québec Centrique, c'est de vous faire découvrir le côté insolite de la ville de Québec et de ses alentours, des légendes, des événements, des lieux, des commerces. Chaque épisode se concentre sur un quartier. Peut-être que ce sera le vôtre. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique. Québec Centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique. Québec Centrique. Parlant de quartier pour notre cinquième et dernier épisode, peut-être que vous avez compris avec la phrase d'accroche, peut-être pas, c'est un peu mystérieux. Aujourd'hui, on parle pas vraiment de quartier, mais plutôt des villes, des villages en périphérie de la ville, parce qu'on vous oublie pas. Même si vous êtes pas directement dans la ville de Québec, on vous accueille à bras ouverts, on aime nos voisins. Pour le fait intéressant d'aujourd'hui, direction les chutes Montmorency qui font 83 mètres, soit 30 mètres de plus que les chutes du Niagara. Alors, ici, au Québec, on fait ça mieux. Hein? C'est ça que ça veut dire. En studio aujourd'hui avec moi, Alexis Chouinard, Anne-Sophie Aubin et Alex Desmarais. Alors, Alexis Chouinard, bonjour. Bonjour. On commence l'épisode en grand aujourd'hui avec Lévi. Là, avant, parce que j'entends déjà les commentaires, avant qu'on commence, on est au courant que Lévis, c'est pas les périphéries de la ville de Québec. Lévis, c'est une ville. On est au courant. Mais pour le bien de la cause, on a mis ça dans l'épisode périphérie. C'est sur le bord de Lévis. C'est juste après le fleuve. On s'est dit ça peut fonctionner. C'est presque. Ouais. C'est vraiment là, pas loin. Les Lévillois, promis. On sait que vous êtes votre propre ville. Premier. On mentionne un peu Lévis. Parce qu'on a, Thomas qui nous a quitté l'épisode dernier, qui vient de Lévis. Et donc on respecte beaucoup Lévis. On respecte les gens de Lévis. On pense à lui fort. Mais donc, avec ça aujourd'hui, tu nous parles de science. Exactement. Assez surprenant de faire la transition de Lévis à science. Mais oui, il y a bel et bien un lien. Depuis 2023, il y a un festival qui s'appelle le Lévisium, donc petit jeu de mots pour faire comme si Lévis c'était son propre élément dans le tableau périodique. J'avais pas compris la blague, mais je trouvais que ça sonnait scientifique. Ben, c'est le homme que... à la fin, c'est le yum, ouais. Il y a du Californium, ouais, ça existe, il y a des noms d'endroits des fois. Là, c'est le Lévisium qui est malheureusement pas un réel élément, ça aurait été le fun d'avoir un petit peu de... Faudrait changer ça. Trouver un nouvel élément à Lévis, là, ce serait pratique. Bref, c'est un événement... Ça s'appelle Lévisium, comme j'ai dit, sur le bord de Lévis, vraiment de l'autre côté du fleuve. C'est vraiment pour ceux qui aiment la science, c'est vraiment tout âge. Donc, si vous vous rappelez un peu de vos cours de science quand vous étiez jeune, ça va un peu toucher là-dedans. Ça va aller un peu plus loin aussi. Ouais, oui, mais ils vont pas non plus dans les équations compliquées. Non, c'est ça. La théorie de la relativité, on la garde dans les livres de Stephen Hawking. Genre, c'est pas un festival de genre de physique quantique. Non, c'est pas l'université, c'est pas le cégep. C'est censé être agréable. Apprendre, vulgariser la science. Exactement. Pour les gens en réalité, c'est quatre vulgarisateurs scientifiques qui se sont mis ensemble et qui ont créé ce festival-là. Mais c'est vraiment, de ce que j'ai vu, c'est au niveau un peu de quand on était jeune. Admettons, moi par exemple, j'avais un kit de science. Ça va toucher un peu à des manipulations puis des intérêts que des plus jeunes peuvent avoir, tout en restant intéressant pour les plus vieux, des fois qui redécouvrent une passion qu'il y avait quand ils étaient enfants. Qu'on peut perdre au fil du temps selon notre champ. Il y a d'ailleurs une passe, il offre une passe. On peut payer, les écoles peuvent payer une passe pour amener leur classe là-bas. Oui, exactement. C'est vraiment comme... Une sortie scolaire, ça va tellement être le fun. Tu peux vraiment faire une sortie scolaire avec ça. 178 $, ça se peut-tu? Je retrouve ça. Oui. Passe ta classe, c'est le nom de la passe pour pouvoir amener une classe au complet. C'est 175 $ C'était ça au 175. Ouais. Ouais, là, là. Donc, j'aurais pu l'avoir. C'est effectivement une très très belle sortie que j'aurais voulu avoir à cet endroit. Ah oui, ça doit être des sorties scolaires incroyables. Ben oui. Mais c'est quand même un gros festival. Là. C'est financé par plusieurs grandes organisations. Oui, oui, absolument. Ben, déjà, la première édition en 2023, c'était en partenariat avec la Ruche. Qui ont fait un financement, ce qu'on appelle du crowdfunding, qui est du financement par le public. Cette édition-là, cette année, c'est en partenariat avec le ministère du Tourisme, Hydro-Québec, Desjardins, entre autres, financé par Nova Science. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de... C'est devenu un peu plus gros. Gros. C'est rapidement, de 2023 à 2025, c'est déjà devenu assez énorme. Et encore là, même dans la première édition, il y a eu déjà dans les anciennes éditions, il y a eu Boucard Diouf, il y a eu Luc Langevin. Ouais, Boucard Diouf. Puis Luc Langevin, les deux sont incroyables. Des stars. Oui, ben oui, il y a un astronaute qui est venu. Oui, c'est cette année, il y a un astronaute qui va venir. Mais Boucard Diouf, au début, je me suis comme posé la question pourquoi ils l'ont invité, mais c'est parce que lui-même touche un peu à la science, il a sorti son propre livre à propos des bactéries. Puis je demandais c'est qui Boucard Diouf, c'est un humoriste. C'est une légende. C'est une légende. Incroyable. Philosophe mais aussi. Il écrivait scientifique, c'est bord aussi. Il faisait pas une émission de cuisine à un moment donné. Oui. C'était avec la palourde géante. Des kiwis et des hommes. Et voilà. C'est ça le nom. Et ça, j'ai grandi avec ça. Puis oui, dans les anciennes éditions, il y a aussi. Qui, j'imagine, est une référence à des souris et des hommes. J'avais jamais fait le lien. On fait des liens. C'est effectivement, j'imagine. Il y avait eu un bunker post-apocalyptique aussi pour imiter un peu en 2023. Je l'ai fait, ça, c'était le fun. Ben voilà. C'est comme un jeu d'évasion. OK. Mais à l'extérieur, que tu vas, ben c'est à l'extérieur, là, tu sais, c'est comme ton chariot, puis tu te promènes à travers le Key Pocket, c'est ça? Ouais, c'est le Key Pocket. Le Key Pocket, tu te promènes à travers, puis c'est un jeu d'évasion avec des éléments du paysage. C'est vraiment super le fun pour eux. Ah oui, ça a l'air vraiment intéressant. Cool. C'est vraiment cool. C'est fun pour tout le monde, apparemment. C'est vraiment familial. Puis t'as mentionné que c'était de 2023 à 2025. Oui. Donc, c'est pas... Je veux dire, il y en a eu un cette année, mais le prochain est en 2025. 2025, troisième édition, le 13 au 15 juin 2025. Comme on l'a mentionné plus tôt, c'est effectivement au Key Pocket sur le bord du fleuve. C'est vraiment le moment parfait de l'année pour emmener comme des enfants dehors. Oui, avec les jets d'eau, la grande roue. Ben, c'est parfait. À la fin de l'année scolaire, là, c'est dans les dernières semaines. Admettons que ça leur manque d'être en cours. Petit gâteau. Ouais. Puis c'est séparé en cinq sections, là, l'événement. Oui, c'est séparé en cinq sections. Il y a le village scientifique, il y a spectacle atelier, le bord de science, le bunker de la science et il y a des food trucks. La carte est disponible évidemment sur le site web si vous voulez Le site est vraiment très bien détaillé. Oui, c'est super détaillé. Ça mentionne aussi les possibilités de comment se rendre à l'événement. C'est possible de se rendre en voiture, en transport en commun, en traversier, à pied, à vélo. Mais la raison pourquoi je le mentionne spécialement, ça, c'est parce que sur le site web, il mentionne aussi la possibilité d'y aller en sous-marin. Hey. Bon, c'est une nouveauté, à Québec. Bon, le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun débarcadère ni stationnement de garantie. Donc, ça, c'est à vos risques et périls. Personnellement, moi, je préfère pas prendre le risque, là, pas avoir de place pour se stationner. Puis tout le monde, moi, j'ai peur de l'eau, je me tiens loin de ça, bref. Mais c'est peut-être mieux que de prendre les ponts. C'est mieux que de prendre les ponts. C'est toujours un pensez-y bien. En tout cas, ça, on lâche ça comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment fait pour avoir du plaisir avec la science. Puis même la magie de la science, des fois, il relie avec ça. Il y a un atelier avec des animaux puis des insectes divers comme des scorpions, serpents, papillons puis migales. Dans les anciennes éditions, tu peux même manger des insectes. Des bibites, oh my god. Sûrement qu'il va y avoir ça aussi cette année, il y en a toujours dans le truc. Un atelier d'exploration de la robotique, une conférence du magazine Curium, pour ceux qui connaissent ça. Oui, Curium. Conférence de Joshua Kutrick, qui est un astronaute de l'Agence spatiale canadienne, qu'on a mentionné. Donc ça, c'est tous des trucs qui vont être cette année. Exactement. Ou qu'il y a eu des autres années? Ça, c'est dans cette année, 2025. Okay. Je vous donne un peu... Il y a déjà le programme qui est sorti... Bon, le programme est pas mal sorti pour chaque jour. Là. Nice. Présentation sur les piments et la science derrière la capsaïcine. La capsaïcine étant ce qui rend les piments piquants. Des déambulations sur les minéraux puis même sur le squelette humain, donc ils vont se promener à travers le festival pour ceux qui veulent un peu observer autour. Puis déambulation, c'est pas mal dans ce qui est gratuit. Pour ceux qui voulaient savoir le prix, pour l'expérience complète, c'est 10$ par jour ou 18 $ pour les 3 jours directement. C'est quand même vraiment abordable. Tant qu'à faire 18 $ pour les 3 jours. Ben, c'est ça, c'est pas cher. C'est sûr, là. Non, non, c'est pas cher, c'est vraiment très, très accessible. Ça donne le goût d'y aller. Et oui, c'est ça. C'est avec les enfants de 10 ans et demi, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est pour ça aussi, c'est pour les plus jeunes, c'est pratique que ce soit pas trop cher quand t'as beaucoup d'enfants. Ouais. Une partie du festival est même gratuite. Village d'exposants, il y a une vingtaine de kiosques, puis comme j'ai dit, certaines déambulations, que c'est complètement gratuit, vous pouvez juste y aller. Puis quand même faire partie du festival, donc ça c'est assez intéressant. Comme j'avais mentionné, la magie derrière la science, spectacle de magie, de chimie. Avec Yannick Bergeron. C'est pas la première fois qu'il fait ça, lui. Attends, je sais qui, je pense que oui. Oui, ben, il y avait une émission sur Radio-Canada où il faisait à peu près la même chose, que c'était la magie de la chimie. Donc, lui, il a clairement son mot à dire. Il était alcoolique. Je suis désolée, j'ai fait une petite recherche Google. Il est vraiment hot, ce gars-là. Oui, il est vraiment cool. Je suis content que tu sois là. Ben, tu iras le voir. Oui. l'enfant d'elle est René. Je spectacle sur les mathématiques qui s'appelle les mathémagiciens. Oh, ok. C'est un tongue twister comme nom. Un petit jeu de mots. C'est moi, ben, mon genre, ça, les mathématiques. Mais il y a aussi de la magie derrière les mathématiques, puis ils vont nous le prouver là-bas. Spectacle sur les créatures du Jurassique, les dinosaures, quiz sur l'astronomie, présentation sur la Lune et son lien avec notre planète. Bref, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses. C'est ça, j'en ai juste nommé quelques-unes. De tout pour tous. C'est vraiment... C'est très complet aussi. Mais c'est, oui, ça a de l'air très, très complet. Là, oui. On parle pas juste d'un domaine. Il y a pas énormément de festivals de sciences pour les jeunes. C'est ça, c'est ça un peu qui le rend insolite. Ben, mais c'est ça aussi qui le rend intéressant parce que on a enfin un festival. Insolite et c'est unique. Pas très vieux, ça a seulement 3 ans, mais... Non, c'est ça, mais je le vois bien devenir un plus grand festival. C'est peut-être une grande tradition vivienne. Oui, exactement. Ben, pour le futur, ils se disent vraiment qu'ils vont continuer à faire ça annuellement. Ouais. C'est vraiment planifié à l'avance. Puis moi, je trouve que c'est la beauté de la chose, c'est à quel point c'est complet. Puis peu importe, c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans la science, il y a quelque chose pour toi. Il y a de la nourriture, il y a les roches, il y a l'espace beaucoup, il y a la biologie, c'est vraiment de tout. Donc, je vous invite définitivement à y aller. Oui, définitivement. Il reste juste à préparer nos sous-marins. Exactement. Si vous avez un sous-marin disponible, vous avez le droit d'y aller. Mais moi, je suis curieuse. Mais tu vas dans ton propre sous-marin ou il offre un tour de sous-marin? C'est pas précisé. C'est pas précisé. J'imagine qu'il faut avoir son propre sous-marin. Ouais, ben, il n'y a pas de sous-marin tout de suite. Ben, on serait surpris. Il y a un cachalot géant. Il y a un cachalot géant si ça vous intéresse. Ils ont ça aussi. Un petit tour de cachalot. Un tour de baleine. Un tour de beluga, peut-être. Peut-être. Des petits sièges sur des belugas. C'est un sous-marin déguisé. Qui sait? Oui, on ne sait jamais. Mais donc, c'est très intéressant tout ça. On encourage tout le monde à aller au festival Lévisium cet été. Puis nous aussi, clairement, on va y aller. Donc, merci beaucoup, Alexis Chouinard, pour... ta belle chronique. Alors, comme toujours, vous êtes à CKRL, sur les ondes de CKRL à Québec Centrique, et je suis votre animatrice, Mo Simard. On se retrouve après une brève pause musicale. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. As every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Anne-Sophie Aubin, bonjour. Salut. Alors là, malheureusement, j'avais pas de blague pour ta chronique. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Si vous pensez à une blague pendant l'émission, dites-la. En plus, je sais qu'elle s'est creusé la tête. Moi, oui, j'ai vraiment cherché. Là, on était ensemble tantôt. Là. J'ai vraiment cherché, mais je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Je ne vais pas parler tout le long, puis je vais juste essayer de trouver la blague. Vraiment essayer de trouver quelque chose. Mais tu nous parles d'or aujourd'hui. Oui. En fait, pour mon côté périphérique, je me suis dirigée vers Sainte-Anne-de-Beaupré, où se trouve le cyclorama de Jérusalem, qui est à côté là, du boulevard Sainte-Anne et à côté de la basilique Sainte-Anne. Puis le cyclorama, c'est un lieu très important pour l'histoire, que la plupart des gens ne savent pas. Donc pour l'histoire, pour les chrétiens, pour le Québec et pour le monde entier. Ouais, donc là, ça paraît... Les gens vont se dire, c'est quoi le cyclorama? Moi, ça m'a pas marqué du tout. Mais bon, c'est pas l'histoire générale. Mais c'est vraiment quelque chose générale. De méconnu. C'est pas quelque chose qu'on se connaît parce vraiment. Que on c'est passe pas à côté, la Première Guerre remarque, mondiale. Puis... Mais c'est comme, c'est quelque chose dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des cycloramas dans l'histoire qui est important. Ben, c'est ça. Mais ça consiste en quoi exactement, un cyclorama? Le cyclorama de Jérusalem, là... Ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est une boutique, c'est un genre de musée. Mais à l'intérieur, c'est la plus grande toile panoramique des Amériques. Fait qu'Amérique du Nord et Amérique du Sud. C'est vraiment ça, la partie excentrique. Là. C'est vraiment le fait que quand tu rentres, tu montes à l'étage, il y a une genre de plateforme. Puis une fois dessus, tu peux observer l'immensité puis la beauté là, de la toile. Mm. C'est vraiment une toile circulaire. Fait que le cyclorama... Oui, c'est ça le but du cyclorama. Puis le but, en fait, c'était... dans le temps où il n'y avait pas encore le cinéma, la télévision, le but, c'était d'aller voir ça. Puis c'est comme un peu une histoire, c'est un peu comme un film, mais c'est une peinture, fait qu'on fait le tour. Mais l'étoile panoramique, c'est considéré comme la première forme de cinéma puis d'œuvre 3D, si on veut. Ouais, c'est ça. Puis l'intérieur est absolument grandiose. C'est super, c'est super beau. C'est vraiment incroyable. Pis l'extérieur aussi, d'ailleurs, là, pour ceux qui ont passé à côté, t'sais, ça a l'air un peu beige, mais il y a beaucoup de détails inspirés, justement, de la mosquée. Puis le bâtiment, pas de la mosquée. Moi, je crois que c'était l'architecture byzantine aussi, un peu... C'est ça. Fait que ça a l'air d'une genre de grosse guimauve beige, mais à l'intérieur, on retrouve la toile là, qui est disposée aux alentours des murs. Puis la toile elle-même, elle représente la ville de Jérusalem, le jour de la crucifixion. Crucifixion, pardon, c'est vraiment un mot difficile, je suis désolée. De Jésus. Beaucoup les mêmes sons. De Jésus, oui, c'est ça. Puis en fait, le peintre, là, il a vraiment étudié la ville de Jérusalem là, pour pouvoir inclure le plus de détails possible. Puis il y en a du détail dans la toile. Pour vrai, même si on se tient sur la plateforme, on est vraiment capable de voir toutes les petites broches de pinceaux. Il y a beaucoup de détails. Ça a pris beaucoup de temps. Puis l'histoire du cyclorama... Mm-hmm. Il y a tellement de personnes qui ont participé à ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé. C'est une longue histoire, quand même. C'est ça. Mais en fait, de 1884, hein, parce que ça fait quand même 136 ans que la toile a été réalisée. Donc, 1884 à 1888, le peintre allemand Bruno Pigelheim a réalisé une toile originale en Allemagne. Fait que c'était la peinture originale, justement, de Jérusalem. Mais elle a brûlé. Quelques années après, en 1892. Ouais, puis non seulement il l'a réalisé, mais il est allé à Jérusalem. Oh, il est allé, oui. Avec d'autres gens. Avec d'autres gens, ils ont pris des notes, ils ont tout vu. Exactement, ça ressemblait à quoi, des croquis, ça leur a pris comme 3 ans. Ouais, puis c'est pour ça qu'après, il est retourné en Allemagne, puis là, il a pu réaliser là, sa toile. Fait qu'elle a passé au feu, malheureusement. Tant de travail pour ça. Ouais, oui, je sais, elle a pas duré longtemps non plus, là. Mais heureusement, depuis 1887, il y avait déjà un peintre qui s'appelait Ernest Pierrepont, qui avait entrepris une reproduction de la ville de Jérusalem, justement, qui était aussi... Ernest, là, qui est un peintre panoramique, là. Fait qu'il avait fait la reproduction, il avait commencé en faisant appel à plusieurs autres artistes. Fait que l'œuvre qui se trouve à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est pas seulement un artiste, là, c'est... un regroupement de plusieurs... Oui, plein d'artistes, mais en même temps, de gens. Une seule personne ne peut pas faire ça. Non, ça aurait pris 10 ans. Je veux dire, genre la chapelle Sistine. Oui, mais ça a pris très longtemps. Mais ça aussi, ça a pris très longtemps. Ça lui aurait pas pris comme 3-4 ans faire ça quand même. C'est beaucoup de travail. Oui. Puis même, c'est pas arrivé directement. Une fois le cyclorama c'est pas allé directement à Québec. Non, parce que la peinture a été réalisée à New York, là, celle de Ernest Pierrepont. Puis après ça, elle a été envoyée à Montréal en 89. Puis là, elle a été exposée à la Place des Arts, là où c'est maintenant, je pense... je m'avance, je fais, on va oh couper non, cette que... phrase-là. Je ne suis pas assez connaissante de Montréal. Puis, en 1895, la toile va se rendre à Sainte-Anne-de-Beaupré par bateau, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute qui séparait Montréal non, et Québec. Ça. Ça fait quand même très longtemps. Fait que la seule voie possible, puis, c'était le fleuve. Puis, quelque chose de gros comme ça, ça se transporte sur pas. Le fleuve. Non, c'est ça, c'est... pas à pied non plus. Ça se fait bien. Fait que sur le fleuve, puis aussi, fait quand même intéressant, dans le temps, vu qu'il n'y avait pas d'autoroute, la seule façon d'arriver au cycle roman, c'était par bateau et par quai. Fait que t'arrivais du fleuve sur ton bateau, tu débarquais sur le quai en bois directement, puis tu marchais. Fait que tu sais, ceux qui connaissent la place, là, il y a le boulevard Saint-Anne, il y a le bord de l'eau, puis de l'autre bord complètement, c'est quand même loin, mais dans ce temps-là, il n'y avait aucunement, il n'y avait rien d'autre sauf le cycle roman. Fait que moi, je trouve ça quand même drôle. Ouais, de, les photos de sont vraiment comme les photos impressionnantes. Sont vraiment drôles. Moi, je trouve on ça, voit comme la mer, on dirait pratiquement de temps. Ben, c'est une photo en noir et blanc, on dirait pas que c'est ici. C'est, la photo est comme pas super bonne qualité, ouais. Mais on dirait presque qu'il y a une tempête, puis là, il y a l'eau, puis il y a les gens qui font la file pour rentrer. C'est vraiment, on dirait pas le... On dirait pas Saint-Anne, là. Voyons! C'est vraiment impressionnant. Mais ça a probablement changé un petit peu depuis, là. Oui, il était oui, probablement oui. Plus proche de l'eau aussi, sûrement. Parce qu'on n'a pas non plus repoussé l'eau, là. Non, on a juste bâti d'autres choses. On a changé le truc. Ouais, fait que c'est ça. Fait que depuis 1895, la toile est à Québec. Puis c'est d'ailleurs la même famille, la famille des Blouins, qui entretient l'endroit depuis 3 générations. Fait que ça, de père en fils, de famille en famille, qui s'occupe des lieux, fait que, qui font la logistique, les finances, qui s'occupent de tout. D'ailleurs, il y a eu des problèmes de financement. Y a eu, c'est entre autres là, ce qui a causé la fermeture, qui est comme le drame de cet endroit-là. En 2017, l'endroit a été mis en vente justement à cause que ben, les propriétaires ils étaient rendus vieux. Ils s'en venaient proche de leur retraite puis ils manquaient de relève pour justement s'occuper parce de la place. Parce que en même temps, j'imagine que même la basilique... C'est une cathédrale basilique? La basilique. Ouais, basilique. Hey, on dirait que j'étais plus sûre. En même temps, j'étais sûre, mais j'étais pas sûre. Ouais. Mais même, je veux dire, les églises en général... Tout ce qui est religieux, peu importe la religion, même, il y a toujours moins de financement. Oui, moins de financement et de main-d'œuvre, fait que c'est plus dur à entretenir. Le cyclorama, disons que c'était peut-être pas la première, le premier choix là, de main-d'œuvre. Non, fait que c'est ça. Fait qu'ils l'ont mis en vente à ce moment-là. Puis la famille a demandé 5 millions de dollars. Mais la valeur, là, la réelle valeur a été estimée au double, fait que 10 millions. En vrai, fait qu'ils ont vraiment demandé moins de ce que la chose valait. Puis c'est très, très juste là, que ça vaille 10 millions. Mais oui, je veux dire, c'est le patrimoine quand même. Puis c'est vraiment le patrimoine. Ça a pris parce tellement que longtemps à faire. C'est la seule peinture, justement, géante là. Au Canada. Puis les panoramas, là, c'est vraiment une forme d'art, comme tu as dit. Oui, puis il y en a plusieurs dans populaire. Le monde même. Il y en a 14 dans le monde. Fait que tu sais, c'est beaucoup, mais pas tant. Puis le cycloroman de Jérusalem, excusez-moi, c'est le troisième plus ancien. Fait que c'est vraiment, c'est de quoi d'important là, pour le patrimoine qu'on a ici, dans les alentours de Québec. Est-ce que tu savais, là ça on ne s'en était pas parlé avant, mais est-ce que tu savais s'il y en avait d'autres qui étaient religieux ou si c'est comme un peu n'importe quoi? J'ai pas fait mes recherches là-dessus, honnêtement. Écoute, ça se fait très bien aussi, à la encore maison une fois. Aussi. Mais ça reste que ces peintures-là, il n'a pas une... Oui, il n'a pas des tonnes. Non. Puis si ça a été fait dans les années... 1800, oui. Il y en a probablement d'autres qui sont oui, religieux. Oui. À moins que ce soit je comme sais plus si ça se fait autant forêt, encore, tu sais, des œuvres vraiment panoramiques de cette grosseur-là. Parce ça que, prend tellement de travail. C'est que... ça, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais elle fait 110 mètres de longueur et 14 mètres de hauteur. Fait que c'est extrême. Genre, moi, même moi, j'ai de la misère à m'imaginer la grosseur de ça. Là, sans que, genre, c'est très, très gros. Fait que justement, c'est ça. Puis, une autre raison pourquoi c'est rendu. Une partie du patrimoine, c'est que quelques jours après que le cyclorama a été mis en vente, il y a le ministère de la Culture du Québec qui s'est présenté au cyclorama, puis qui a déclaré que le cyclorama, c'était désormais un bien patrimonial, puis que même si la peinture, si quelqu'un décidait d'acheter la peinture pour 5 millions... ça reste au Québec. C'est ça. Ils ont décidé que les acheteurs allaient devoir parler avec le gouvernement lui-même pour pouvoir le sortir de la province puis du pays. Wow. De toute manière, ça sortira un petit peu mal. Ça sort mal, en effet. Mais même c'est si... bien de faire l'effort de protéger le patrimoine. Oui, quand même. Parce que c'est vraiment culturel. Là, oui, c'est ça. Impressionnant. Là, c'est vraiment impressionnant. C'est rare et tout. C'est ça. Malheureusement, on peut juste visiter les fins de semaine. C'est ça, parce que... À cause des problèmes de financement, justement. Parce qu'ils n'ont pas réussi à réouvrir. Il a seulement réouvert, en fait, en 2023. Donc, vraiment, tout récemment. Il a été fermé de 2018 jusqu'à cette date-là. Mais on peut quand même le visiter. C'est oui, vraiment nice. Les fins de semaine, allez-y. Les fins de semaine, oui. C'est vraiment c'est important pour la culture, justement, pour la culture générale, pour la culture de l'histoire et de l'art. Puis c'est vraiment, c'est très unique à Québec. Ouais, et il n'y a pas ça. Beaucoup de monde, tu sais, pour c'est les... très excentrique. Honnêtement, moi, je connais justement beaucoup de monde qui savent aucunement pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment... avant, maintenant. Ben, c'est ça. Fait que on apprend des choses. C'est quelque chose d'important qu'on a tout proche de chez nous, puis qu'on s'en rend pas compte. Fait que... C'est un peu le concept de notre émission, après tout. Là, oui, c'est ça, c'est de découvrir des choses excentriques. C'est pas juste excentrique, c'est enrichissant. C'est enrichissant. Ben oui, oui, c'est, hein? Enrichissant, c'est enrichissant. Mais alors, belle attraction. Je dirais peut-être la seule chose qui se rapproche un peu d'un cyclorama qu'on aurait, c'est peut-être tu sais, les peintures qui sont très longues, là, genre hommage à Rosa Luxembourg, oui. Jean-Paul Riopelle. Mais ça reste que c'est vraiment pas la même ampleur, mais comme il y a toujours cette oui. idée-là de faire quelque chose de vraiment très grand qu'on peut comme regarder en panoramique. Ou des fois, l'observatoire, là, on peut voir en panoramique. C'est quand même c'est important, alors, quand même. Puis on a beaucoup de musées, puis de... À Québec, là, justement, ouais, le Musée des Beaux-Arts, il y en a plein d'autres. Fait que c'est important de s'instruire sur l'art aussi. Oui, puis ben, mettez de l'argent sur l'art, là, parce que là... On n'a pas 5 millions à donner au cyclorama. On n'a pas 5 millions au cyclorama, mais vous pouvez payer le billet d'entrée. Mm-hmm. Puis ça, déjà, ça c'est quand même le fun. Visiter un peu le chemin du roi. Il y a des beaux guides aussi. Là, tu rentres là, puis tu payes pour ton billet pour l'entrée de la journée. Puis il y a des guides qui te racontent l'histoire de Jérusalem. C'est pas, tu rentres pas là, puis t'es pas laissé à toi-même. Là. Ouais, deviner un peu, parce que c'est pas tout le monde qui lit la Bible. Non. Fait que c'est pas tout le monde nécessairement qui sait exactement c'est quoi, comment ça se passait Jérusalem, la crucifixion. Mm. Donc, allez visiter. Oui. Puis merci beaucoup, Anne-Sophie Bain, pour, plaisir. Merci pour ta belle chronique. Et donc, évidemment, c'est le dernier épisode, donc c'est la dernière fois qu'on se parle. Mais c'est la dernière fois que vous nous entendez, mais nous, on est amis, donc on va continuer à se parler. C'est ça, nous, on se parle. Mais c'est la dernière fois qu'on se parlait dans le cadre de Québec Centrique. Je suis quand même déçue. Ça va manquer. Oui. Mais pour vrai, oui. Sérieux, ouais. Ça a vraiment été bien. Écoute, si on a le temps à la prochaine session, on essaiera quelque chose. On s'en repart un autre. On s'en repart un autre, un podcast, là. Mais donc, merci. Puis on se retrouve après une brève pause musicale. Alors, Alexis Chouinard, rebonjour. Rebonjour. C'était toi le sacrifié cette semaine. Effectivement. Pour avoir deux segments dans le même épisode. Deux chroniques différentes. Exactement, mais pour ta chronique, là, on se plonge dans nos petites légendes de la récré. Oui, nos légendes qu'on a pu entendre ou qu'on va redécouvrir ensemble. Je vous en raconte deux aujourd'hui. J'ai vraiment séparé ça en deux. La première étant la plus classique, probablement. Quand je vous dis légende du Québec, lequel pop en tête? La Corriveau. La Corriveau, OK. Il y en a-tu d'autres? Ben, moi, je sais laquelle tu veux. Je sais aussi, mais je voulais juste créer de l'ambiance. La chasse-galerie, peut-être. Ouais, la chasse-galerie, c'est ça. Le Wendigo. Pour ceux qui nous écoutent, moi, en tout cas, c'est mon cas. Dès que j'entends légende, je pense à Dame Blanche. Oui. C'est celle-là qu'on entendait à répétition dans la cour de récré. C'est la fameuse légende qu'on connaît toutes, du moins, genre, moi, ce que j'ai entendu au primaire. Mm-hmm. Je sais pas vous, vos versions, mais moi, on m'avait dit qu'il faut fermer toutes les lumières, s'enfermer dans la salle de bain, être tout seul. Oui, pour fermer les chandelles. Yeux. Mais non, les chandelles. Moi, ça, c'était la Dame Rouge. Moi aussi. Bloody Mary. Moi, il y avait les deux. Les deux, c'était comme la même chose. Puis, il fallait tourner trois fois sur soi-même en disant Dame Blanche, Dame Blanche, Dame Blanche. Puis, il y avait plusieurs comme résultats de possibles. Il y a voir sa réflexion te sourire. La réflexion dans le miroir qui te sourit. Mais aussi, moi, ce que j'ai entendu, c'est si tu places tes mains devant toi comme un bol, tu sais, comme quand tu vas prendre l'hostie à l'église, puis que tu tournes, quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas pouvoir trouver de la poudre blanche dans tes mains. Hey. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu. Je sais pas trop pourquoi. Moi, ma théorie, c'est que c'est juste quelqu'un qui avait des pellicules puis qui sont tombés dans ses mains. Peut-être. Il voulait pas l'assumer. Mais on a tendance à inventer des légendes vraiment qui... Ben, c'est ça, ça personnellement, c'est vraiment... là, petite histoire personnelle, à mon école primaire, à l'accueil, OK? S'il y a des gens de Saint-Émile qui écoutent l'école l'accueil, il y avait la légende de Bobby Bureau, que c'est un vrai élève, puis apparemment, il serait mort dans le sous-sol, qui avait été remplacé par un pupitre comme un bureau d'école. Ben, je sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Je suis vraiment attends, il avait mais été ça fait peur. Mais genre, ouais, il y avait comme devant la porte du sous-sol, genre, il y avait un bureau. Donc, cool. On invente un petit peu n'importe quoi. On n'avait plus le droit d'en parler à la récré parce que ça faisait peur aux plus jeunes. Donc, les légendes, c'est incroyable. Ça, c'est intense. Mais oui, ça, c'est un autre exemple de on crée nos propres légendes, surtout à cet âge-là. Mais il y a véritablement une vraie... Oui, c'est ça. Une histoire officielle en arrière. Une histoire qui est assez tragique aussi, quand même. Exactement. Ben, déjà, la Dame Blanche, qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation de forme féminine qui a été rapportée par plusieurs personnes pas loin de cours d'eau. L'endroit le plus rapporté, ce serait les chutes Montmorency. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est vraiment dans les périphéries de la ville. C'est important de savoir que c'est pas un fantôme. Mais c'est plus vu comme un esprit protecteur des humains et de la nature. Ah ouais. Oui, d'ailleurs, c'est s'il y en a dans toutes les... ben, c'est une légende urbaine qui remonte au Moyen-Âge. Là. C'est vraiment, il y en a dans toutes les cultures. C'est tout le temps comme mi-fée, mi... OK, fait qu'elle n'est pas méchante, là. Non, elle n'est pas méchante. Ah. Ben, ça dépend des cultures, mais okay, ouais, ici, elle n'est pas méchante. Qu'elle était comme... Ouais, moi aussi, je pensais que, hanter, ben, justement, que c'était un fantôme, mais ouais. Je suis contente de savoir que ça ne l'est pas. Bon, non, c'est ça. C'est, elle a un comportement vraiment maternel. C'est vraiment comme une bonne dame. Mais si tu touches ta robe... L'eau est méchante. Non, c'est juste que tu vas mourir dans les prochains jours. Ben, c'est méchant. C'est pas elle qui c'est quand tue, même mais... méchant. Mais c'est quand même pas gentil. Elle a juste à pas porter cette robe-là. Non, effectivement, elle pourrait peut-être changer de robe. Mais la légende, l'histoire raconte que c'était des fiancés du nom de Mathilde et Louis en 1759 précisément. Wow. Il y a eu l'arrivée de navires britanniques qui les ont attaqués et Louis a été tué en essayant de fuir. Et Mathilde, complètement chagrinée par la mort de son fiancé, elle se jette dans la chute, toujours dans sa robe de mariée. Oh. Donc c'est pour ça, c'est, t'sais, on peut pas lui en vouloir à porter sa robe au moment où elle a sauté. C'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça. Il y avait un lien. Elle voulait beaucoup se marier aussi, c'est vraiment. Oui. Comme dans toutes les versions de l'histoire, elle était super en amour. Oui. Puis elle exactement. Très il était clairement fait l'un pour l'autre. Puis la raison pourquoi on la verrait cette dame là, c'est elle se manifesterait dans l'embrun. Des chutes. Donc, c'est quoi l'embrun? C'est, selon Larousse, c'est une pluie fine formée de gouttelettes d'eau de mer projetées dans l'air à partir d'une surface agitée. Donc, c'est le mouvement de l'eau dans les chutes qui ça vont jeter des micro-gouttelettes qui vont créer cette apparence féminine que les gens auraient vue. Il y a aussi son voile là, qui fait partie de l'histoire. Oui, tu sais, comme on dit, il y a comme plusieurs versions, mention d'un voile de mariée. Qui serait aussi vu à travers l'eau. Donc, qui serait en fait la petite chute juste à côté des grosses chutes. Oui, c'est ça, c'était pour expliquer qu'il y avait des petites chutes à côté, mais je veux dire, à côté d'une chute d'eau, il y a toujours des petites chutes parce que c'est moi, un je pense peu... que c'est son voile. C'est ouvert à interprétation. Oui, c'est peut-être aussi son voile. C'est une légende pour une raison. Oui, c'est ça. C'est... Exactement. Sinon, la deuxième que je voulais parler, c'est la légende de la tête qui roule. Mm-hmm. Oh! Donc... La légende de la tête qui roule, c'est presque une fable même. C'est un peu comme... pour dire aux gens de ne pas être orgueilleux. Exactement. Donc, il y a une morale. Il y a vraiment une morale. C'est beaucoup plus une histoire. D'ailleurs, les deux histoires sont prises du livre « Créatures fantastiques du Québec » de Brian Perrault et Alexis Girard. Donc, je vous invite à aller lire le livre. C'est très bon. C'est très bien expliqué. Mais pour la tête qui roule, ce serait un capitaine de chaland. Un chaland, c'est un bateau à fond plat pour transporter la marchandise, qui s'appellerait Jean Soulard. Pierre Soulard, selon certaines... Ouais. Ouais, si vous allez sur Internet et que là, vous dites « Non, c'est pas Jean Soulard, c'est Pierre. » Ouais, c'est ça. Ça dépend des sources. Ouais, c'est ça, ça dépend de ce qu'on regarde. Jean Soulard, c'est... déjà, son nom de famille annonce un peu la couleur. Hein. C'est un bon vivant, il aime avoir du fun, il aime la fête. C'est surtout un homme très, très orgueilleux. C'est un passeur aussi, c'est-à-dire qu'il fait traverser le fleuve Saint-Laurent à ceux qui en ont besoin. C'était comme le premier traversier vers Lévis. Exactement, c'était ouais. Vraiment l'ancêtre. L'année n'est pas précisée dans ce que j'ai fait de mes recherches, mais Jean, en gros, c'est une tête forte. C'est une tête forte, le Jean. Il est persuadé qu'il peut traverser n'importe quelle tempête sans aucun problème. Il est sûr d'être le meilleur pour faire ça. Il cherche juste à se faire de l'argent pour pouvoir boire. Donc, son nom de famille, c'est très, très Soulard, unique. Ouais. Jean... Ouais. Soulard. Puis un soir que c'était très, très orageux avec une tempête plus violente que d'habitude, il prend des gens à bord, mais ils sont pas du coin. Donc, ils connaissent pas la réputation de Jean et ils se laissent embobiner par ses promesses de réussir à les faire traverser, malgré les conditions. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Et il fait une erreur. Le chaland fonce dans un gros bloc de glace et tout le monde meurt noyé, sauf Jean, qui est le seul... Lui qui a fait l'erreur survit, finalement. Après l'incident, il se fait exclure de la confrérie des passeurs. Mm-hmm. Il commence à boire énormément. Puis il rajoute de l'ironie sur son nom de famille. Et il baisse ses prix. Vu qu'il fait tout ça tout seul, maintenant, il traverse les gens tout seul. Et maintenant, il y a un soir où il accepte de faire traverser un groupe qui était déjà bien sur le party pour le prix d'une bouteille de rhum. Et à cause que le groupe était déjà pas mal avancé en alcool, on va dire, ils ont pas plus posé de questions. Puis ils ont clairement pas remarqué que c'était trop dangereux à cause de la tempête. Qui était tout aussi violente que celle de la soirée de l'incident. Et il a fini par perdre pied, et probablement sous, et il est tombé dans les eaux froides, puis en essayant de remonter, il y a un bloc de glace coupant qui est arrivé, puis qui lui a tranché la tête, qui sa tête est allée valser dans les airs en tournoyant. Une fin pas incroyable. Non, c'est ça. Puis là, apparemment, on pourrait toujours voir la tête qui roule sur les glaces du fleuve. Puis ceux qui ont vu l'incident se passer sont morts dans l'année qui suit, et apparemment c'est le même sort pour ceux qui voient la tête sur les glaces du fleuve encore aujourd'hui. Bon. Fait qu'on voit la tête qui roule sur le fleuve pendant l'hiver? Oui. Ouais, c'est ça. Si c'est moins gracieux que... Ouais, c'est moins gracieux qu'une mariée. Moi, c'est ça qu'une dame blanche qui se promène dans la brume. Mais c'est ça. Si tu vois la tête sur un bateau pendant que t'es sur le fleuve, ça veut dire que tu vas mourir dans la prochaine année. Oh my god. Mais j'irai juste plus sur le fleuve jamais de ma vie, en fait. Non, c'est ça que ça veut dire. Faut juste pas s'approcher des points d'eau. Ouais, voilà. Moi, je vais rester sur la terre. Ben, je pense que ça confirme ma phobie de l'eau maintenant. Ces deux histoires-là, je réalise. Les chutes, le fleuve, peut-être tenez-vous loin de l'eau quand c'est l'hiver ou quand vous vous sentez particulièrement. Ou je suis peut-être dans un film d'horreur. Je suis peut-être pas bien. Mais l'hiver comme ça sur le fleuve, ça n'a pas toujours été quelque chose de négatif parce que, bon, dans le temps où il y avait plus de glace sur l'eau puis où on ne brisait pas la glace pour les bateaux, il y avait des restaurants sur le fleuve, il y avait des. Ben, surtout. Là où c'est vraiment très étroit, là, ben très, 1 kilomètre, mais comme où c'est plus étroit, il y avait des bars aussi parce qu'on pouvait pas taxer l'alcool si c'était sur l'eau. C'est le fun. Là, évidemment, les lois ont changé. De toute manière, il n'y a plus aucune glace assez épaisse. Puis c'est plus assez épais, c'est ça. C'est ça, mais sur ces histoires, on s'est un petit peu égarés à la fin. Mais l'idée comme reste d'habitude. La même. Les légendes québécoises, c'est super intéressant. Oui. Il y a des livres de ça partout, là. C'est des livres de contes, des vieilles histoires. Ça fait partie du folklore québécois, que c'est toujours intéressant. On est vraiment bourré de légendes. Oui, c'est ça. Je vous invite à faire vos propres recherches. Après avoir entendu toutes les légendes à travers l'émission, je trouve que ça vaut la peine de toutes les entendre. Sont vraiment super intéressantes. On en a beaucoup. Un beau patrimoine. Mais donc, merci beaucoup, Alexis Chouinard. C'est bel et bien fini. Oui. C'est d'ailleurs c'était d'ailleurs la dernière fois parce que c'est notre dernier épisode. Merci beaucoup ça a été un plaisir, pour tout ton travail, pour avoir trouvé pour nous avoir parlé aussi du Lévisium. Ouais, exactement. Oui. Donc on s'y rendra en sous-marin peut-être. C'est bon. On sait jamais. Donc comme toujours, vous êtes sur les ondes de CKRL à Québec Centrique, l'épisode où on vous parle du Québec excentrique. C'était vraiment mauvais, là, ce portrait. L'émission. Hey, c'est pas très grave, là, vous me pardonnerez ça, c'est un projet d'école. Mais donc, on se revoit après une courte pause musicale. Alors, Alex Desmarais, bonjour. Hello. Alors, avec toi aujourd'hui, c'est Direction Stoneham. Ouais. Là, vraiment, là, ça me fait un peu rire parce que j'avais préparé quelque chose que j'allais dire dans ma tête, puis je me rends compte que c'est vraiment pas drôle. Mais pour un reportage boisé. Parce qu'on parle de la souche. Oh, est-ce oui, que vous comprenez la blague? C'est drôle! Hey, Seigneur! Wow. C'est très drôle! Désolée, j'ai rire en proche j'ai du micro. J'ai jamais vu une animatrice aussi peu sur une blague. OK, c'était vraiment pas drôle. Mais avec toi, on dirait que je fais tout le temps des blagues pas drôles ben, à toutes les introductions. T'es à l'aise avec moi. Tu sais, genre le Limoilou, là. Mais oui, mais ça, c'était drôle. Ludique. Il est ludique, loufoque. Avant de dormir, j'y ris encore à cette blague. Ouais, ben je comprends. Je comprends. Ouais, fait qu'on va aller à Stoneham. Aujourd'hui, je me suis rendue à Stoneham sur les lieux de la souche à Stoneham. C'était. Quand même intéressant, c'est plus intéressant qu'on pense, là. C'est une brasserie puis un restaurant. J'ai parlé à Pierre-Luc Girard, qui est un maître brasseur à la souche là-bas. Oh. Maître brasseur. Ouais, ouais, ouais, pas juste un brasseur normal. Non, c'est un maître. Mais tu sais, je me demandais pourquoi c'était ça le terme, mais il se connaissait vraiment beaucoup sur le sujet, honnêtement. Là, c'était oui, vraiment impressionnant. Oui, j'ai écouté ton entrevue avant et vraiment, c'est. Ici, c'est tout, là. Ouais, c'est l'endroit vraiment. Oui, il y a la réponse à toutes les questions. Oui, c'est ça. C'est quand même important, comme à préciser. Je trouve, avant de commencer, que la souche, c'est pas seulement à Stoneham. Là, t'as choisi de parler de la souche à Stoneham, mais il y en a aussi à Limoilou. Il y en a une à Limoilou, puis... C'est différent. Ouais, c'est pas la même chose. Il y en a un... Je pense que... Je suis pas mal sûre qu'il y en a une autre ailleurs, honnêtement. Mm. Je ne sais pas si où, mais je suis pas mal sûre qu'il y en a une autre ailleurs. Mais la première, c'était celle de Limoilou, qui est à côté de notre cégep, d'ailleurs. Très proche des lieux où nous enregistrons en ce moment même. Mais donc, voilà, c'est différent... À Limoilou, c'est une petite... Oui, c'est une microbrasserie, évidemment. Mais c'est pas aussi grand, c'est pas aussi industriel que non, ce qu'on trouve à Stoneham. La souche à Stoneham, c'est ce qu'on appelle l'usine, en fait. C'est vraiment là où toutes les bières se font. C'est là qu'ils se font faire en quantité plus industrielle. C'est à Stoneham que toutes les bières se font encannées puis qu'ils se font envoyer aux épiceries, aux restaurants. C'est les barils, c'est là qu'ils se font envoyer. Alors qu'à Limoilou, ils font des bières qui vendent seulement aux restaurants de la souche Limoilou. T'sais, ils les envoient pas... T'sais, moi, mettons, à mon travail, je travaille dans un restaurant, puis on a des bières de la souche, ils viennent de Stoneham. T'sais, c'est eux qui font des bières en grande quantité, parce que à Limoilou, leur sillon de brasserie, là, c'est environ 600 litres, alors qu'à Stoneham, c'est 8400 litres. Hey, Seigneur! Et ouais, j'ai vu, c'est vraiment impressionnant, là. C'est vraiment énorme, sincèrement. Dans ton entrevue aussi, il parlait de la quantité de litres de bière qu'ils vont faire dans une année. Ils disaient qu'ils brassaient 1 million de litres, puis qu'après ça, ils ont vraiment, finalement, à la fin, 700 000 litres de bière par année. En canette, c'est Genre, c'est vraiment impressionnant, sincèrement, là. Puis j'ai vu, puis ça prend vraiment plus d'ingrédients qu'on le pense, là. Sincèrement, c'est vraiment impressionnant, là, la manière qu'ils... Mm-hmm. Puis en plus, ils font l'effort de prendre des ingrédients québécois, comme c'est vraiment important pour eux. Ouais, pour eux, c'est vraiment important de prendre des ingrédients québécois. C'est un de leurs buts principaux, puis ils veulent aussi prendre des ingrédients originaux, des ingrédients que personne prend, puis qui font goûter à leur bière vraiment un goût plus original pour que leur bière se démarque. Mais il a parlé de ça avec beaucoup de passion, puis qu'on va aller l'écouter, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce sujet-là. On a le souci beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de la souche d'utiliser les aromates locaux. Ça a toujours été notre intérêt principal. Oui, on aime ça faire de la bonne bière, mais on aime ça aller chercher des aromates que les gens utilisent moins. On utilise beaucoup le sapin, beaucoup l'épinette, le beau-mille, du labrador. On a fait des bières avec du port des dunes, avec de la Comtanie voyageuse, des aromates qui sont beaucoup moins utilisés. On essaie de mettre vraiment d'avant toutes les aromates boréales qui se trouvent un peu dans notre environnement. Donc, ouais, c'est quand même un effort conscient de, oui, de vraiment ça, faire... C'est vraiment important pour eux. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui ont... Je veux dire, parce que dans les dernières années, c'était vraiment un environnement propice à avoir une microbrasserie parce qu'il y a vraiment de grandes demandes. Mais là, il y en a tellement qu'il faut que les microbrasseries trouvent un moyen de se démarquer. Ouais. Mm-hmm. Ben, eux autres, ils se démarquent énormément aussi parce que à cause du coin où ils sont. T'sais, à Stoneham, il n'y a pas grand-chose. Il m'a dit, là, les gens, ils vont vraiment plus... Le seul restaurant un peu qu'il y a, c'est pas mal ça, là, dans ce coin-là. Tu sais, j'étais allée en plus, puis on dirait que c'était comme des champs. Puis là, il y avait la souche. Quasiment au beau milieu de nulle part. C'est vraiment ça. Puis il me dit que le maire va... Oui, c'est ça. Va mais il n'a pas là-bas. Précisé si c'était le maire Bruno? De Stoneham ou... Ben, j'imagine qu'il parle du maire de Stoneham, là. Oui. J'imagine parce que là, si Bruno Marchand se rend jusque-là, ouais, il est chanceux. Ça, ça non, mais je pense que c'est parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'autres endroits où les gens peuvent se réunir. Puis, tu sais, mettons, l'hiver, il y a du ski très proche de oui, là. Ben oui. Fait que les gens, ils se ruent prendre une bière après. Le petit après-ski, là. Après-ski à la souche. Puis c'est pas juste de la bière non plus. Non, c'est un restaurant. Fait que c'est très. Puis tu sais, je suis allée, là, puis c'est vraiment beau. Puis l'été, il y a une énorme terrasse en avant. Puis ils sont en train de l'agrandir justement parce que la demande est trop grande. Genre, à chaque été, la terrasse est pleine. Puis l'été aussi, c'est très achalandé parce qu'il y a beaucoup de. Tu sais, il y a des randonnées, là, au lieu du ski l'hiver. Oui, ben oui. L'été, il y a des randonnées. Puis il y a aussi un centre de vélo de montagne aussi. Oui, c'est ça. Empire 47. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'imagine que c'est ça. Je te crois sur parole, mais ouais, il y a des gens qui vont faire du BMX là-bas. Puis après, c'est un peu comme le ski. Là, après, ils vont prendre une petite bière, ils vont manger un coup. Il y a même des cocktails. Il y a vraiment beaucoup d'affaires là-bas. C'est très varié. Ouais, très varié. Puis c'est vraiment intéressant la manière qu'ils font leur bière. Là. C'est vraiment très local. Ouais, on va peut-être pas nécessairement comme entrer dans la manière qu'on fait de la bière. Mais non, ben non. Parce que j'ai pas demandé non. Il y a quand même beaucoup aussi de microbrasseries qui offrent un peu des visites. Là, je saurais pas dire lesquelles. Ouais. Je vais pas mentir. Bon. Mais il y en a beaucoup qui offrent un peu comme des visites, des moyens de voir la bière qui se fait. Donc ça, c'est toujours intéressant. Souvent, il y a des dégustations aussi. Donc, c'est bon. Profitez-en si c'est ça qui vous intéresse. Puis le terrain à la souche, tu sais, tu as dit qu'il agrandit sur la terrasse, mais le terrain est vraiment gigantesque. Ouais. Donc, ils l'utilisent au complet, vraiment. Oui, oui, ils utilisent vraiment le terrain au complet. Ils ont un jardin avec des légumes qui font pousser pour faire leur bière. Puis tout le fond du terrain, c'est une érablière. Ils utilisent leur propre eau d'érable. Ils ont une cabane à sucre. Ils font bouillir leur eau d'érable. Est-ce que pendant le temps des sucres, ils offrent de la tire. Ils ont une bière. Ils avaient l'air de dire qu'ils utilisaient toute l'eau d'érable. Le sirop d'érable, dans le fond, ils n'ont pas de genre de trop de sirop pour faire de la tire d'érable, mais ils en ont juste assez pour faire leur bière. Parce que juste une brosse de 8400 litres, comme j'avais dit tantôt, ça prend 500 litres de sirop d'érable. Sirop? Ouais, de sirop d'érable. Ça utilise pas mal tout ce qu'ils font, là, en fait, toute la quantité de sirop d'érable qu'ils font avec l'eau d'érable. Fait que ils ont pas extra, là, pour faire la tire d'érable, malheureusement. Ils en prennent un peu aussi de d'autres C'est ça, exactement. Des fois, il y a des gens, il y a des fournisseurs proches qui font, ils n'ont pas besoin d'autant de sirop d'érable qu'ils ont d'eau d'érable. Puis là, c'est là qu'ils donnent à son âme, mais ça reste très local. C'est ça, ils ont un jardin, ils ont une érablière, ils ont une petite, ils ont un petit poulailler. Oh. Ça, c'est pas pour les bières, par contre, c'est pour la cuisine. Mais ouais, ils utilisent bien le terrain avec leur petit poulailler. Puis ils ont aussi une petite houblonnière. Et quand je dis petite, c'est qu'elle fait genre 4 rangées. C'est pas énorme. C'est vraiment minuscule. Mais puis moi, je pensais vraiment qu'ils utilisaient ça pour leur bière. Mais il m'a dit que c'était vraiment pas assez, en fait. S'ils utilisaient tout le houblon qu'il y avait sur le terrain, là, ils seraient capables de faire une petite brosse comme il y a à Limoilou, donc de 600 litres. Et eux, ils font souvent des brosses de 8400 litres. Fait que ça serait vraiment pas assez. Ça prend vraiment plus d'ingrédients que ce qu'on pense, là. Mais c'est surtout là pour... tu sais, à la fin de la saison, des fois, on peut les faire sentir aux gens qui vont voir. Ils peuvent sentir le houblon. Fait que c'est quand même intéressant. Le terrain est vraiment grand. Ils sont aussi en train d'agrandir l'usine, justement. Ils sont en train d'agrandir pour faire plus de bière, pour avoir plus de brosses. C'est cool. Oui. Puis avec tout ça, ben, tu sais, ils utilisent tout ça. Ils ont leurs affaires. Puis, ils font l'effort de garder ça très local. Oui. Puis même l'or sur leur canette, parce qu'ils ont des... Ils ont des très belles canettes. Là, c'est vrai qu'ils ont des belles canettes. Même là, il est fait local. C'est un artiste local. Oui, en fait, leur illustrateur, c'est un homme qui s'appelle Félix Girard. Puis c'est lui depuis le début. Puis en fait, il m'a expliqué que c'était vraiment une personne originale qui est vraiment genre précieuse pour eux parce que des fois, ils savent même pas comment appeler leur bière. Ils font juste décrire la bière à Félix. Puis ils inventent un nom, ils inventent une image. Puis c'est vraiment efficace. Puis ces images sont vraiment belles. Puis il fait même des... Il y a pas juste des canettes, il y a comme des posters pour vendre la bière. Puis c'est vraiment des belles affaires qu'il fait. Puis il est là depuis le début. Puis je pense que c'est vraiment un gars sympathique à ce que j'ai compris. Fait que, ouais, c'est ça, il garde ça local. Puis je pense qu'au début, il était pas très connu comme artiste. Là. Ils ont pris une chance. Puis finalement, ça a full bien été. Puis il est encore avec eux. Puis peut-être même que son contrat. Peut-être qu'il est rendu plus populaire grâce à eux. Ouais. Ben, il y a eu une plus grande carrière. Ouais, c'est ça, j'imagine que oui, là. Il est très illustrateur après, oui, c'est ça. Puis c'est un peu ça qui les aide à se démarquer, parce que sinon, genre, c'est intéressant les ingrédients, mais c'est sûr que, mettons, dans un magasin, tu vas regarder la canette. Tu regardes pas les ingrédients, c'est super, c'est vraiment, c'est du gros marketing. Donc, ça aide beaucoup. Tu prends les canettes que tu trouves belles. Oui, c'est ça, exactement. Puis l'usine, tout ça, c'est quand même assez jeune. Oui, c'est quand même assez récent. Ça a ouvert en 2017. La première souche qui a ouvert, tu sais, la souche, c'était la souche à Limoilou. Ça a ouvert en 2013, si je me trompe pas. Fait que c'est quand même assez récent. Puis j'ai dit, justement, je trouvais ça quand même très récent. Puis je trouvais que, tu sais, la souche, c'est quand même assez populaire. Fait que j'étais vraiment surprise que ça soit devenu aussi populaire en aussi peu de temps. Mm-hmm. Puis il m'a dit que toutes les brasseries à Québec sont vraiment plus récentes qu'on le pense. Tu sais, le mouvement des brasseries est vraiment assez jeune. Je vais laisser vous expliquer ça plus en profondeur. Le mouvement brassicole n'est pas si vieux que ça. Tu sais, même quand tu t'en vas dans les brasseries les plus connues, les plus établies, Dieu du ciel, Charlevoix, on est rendu à 20 ans. Fait qu'on n'est pas, dans si loin que ça non plus. Mais oui, les microbrasseries ont rapidement pris leur place, surtout parce qu'il y avait un manque à gagner au niveau social dans les villages, dans les villes. Il n'y a plus de parvis d'église, il n'y a plus de place où les gens se rassemblent maintenant. Fait que ça a comme été un lieu de rassemblement qui rapidement a repris la place. Donc voilà, ouais, c'est ça, il s'exprime là-dessus très bien, mais c'est devenu un concept vraiment populaire, les brasseries, en très peu de temps. Puis c'est toujours très populaire et ça va l'être encore plus parce qu'on vous le dit d'y aller. Oui. Ben, si vous êtes dans le coin du Tournam, évidemment. Mais même à Limoilou, on vous conseille... On vous conseille d'y aller, c'est toujours agréable de venir supporter. Puis il y avait qui était très sympathique, c'était juste un maître brasseur, mais les serveurs, j'imagine qu'ils sont tout aussi sympathiques. Fait que bon, j'espère. Vous encourage à y aller. Ça va leur donner plus de tips. Ouais. C'est son gentil. Ouais, exactement. Mais donc, merci beaucoup, Alex Desmarais, pour ta chronique, parce que c'est avec toi qu'on clôt notre aventure de Québec centrique. Alors, merci beaucoup pour la fin. Ton travail. Exactement. La meilleure pour la fin. Ma meilleure blague pour la fin aussi. Je suis pas sûre de faire le mais... Moi, peut-être Loufa qui était quand même bon. Ouais, t'es quand même bien. En fait, il était tout un peu mauvaise. Ouais. Mais c'est pas l'important. Merci beaucoup pour tout ton travail. Merci à toi. Alors, c'était notre dernier épisode. C'est fini. C'était vraiment une très belle aventure. En studio avec moi aujourd'hui pour l'épisode, c'était Alexis Chouinard, Anne-Sophie Aubin et Alex Desmarais. Alors là, j'en profite. Merci à toute l'équipe de Québec Centrique pour leur implication, que ce soit au contenu, à la technique ou à la promotion, parce que ça ne se fait pas tout seul, une émission. L'équipe est plus grosse que ce que vous pensez parce que derrière nos voix mélodieuses, il y a une grande équipe qui fait un travail vraiment incroyable. Et merci aussi à nos chroniqueurs, nos reporters de qualité, Anne-Sophie Aubin, Amy Jadaudet, Alexis Chouinard, Thomas Mercier et Alex Desmarais. Merci pour votre beau travail. Je dois quand même t'interrompre pour dire merci à toi aussi qui as fait une super belle animation tout au cours des 5 épisodes. Fait que merci beaucoup. Ton travail acharné à rechercher des questions pour nous et tes blagues. Que dire de tes blagues? Tes blagues, incroyable. Écoute, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'animer Québec Centrique. C'était vraiment une belle aventure. Les blagues, ça ne finira jamais. Donc, on espère. Soyez confiants. Et ça aurait moins bien passé si je m'étais remerciée moi-même. Donc, merci de votre travail de ce côté-là. Merci aussi à CKRL. Radio CKRL pour cette belle opportunité et à Julie Vignola qui est députée de Limoilou et de Beauport pour le Bloc québécois pour sa participation financière. Ça va être très utile pour mener à bien notre projet. Un dernier merci à notre professeur Pierre Blais parce que je vous rappelle que Québec Centrique, c'est un projet pilote du Cégep Limoilou et que l'aide de nos professeurs est toujours très appréciée. Mais là, profitez pas de la fin de l'émission pour slacker. Découvrez votre quartier et ce qu'il a à offrir d'excentrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec Centrique. Je veux en savoir plus sur ma ville, donc j'écoute Québec Centrique, Québec.